qui a piqué la peau de Charles Chaplin? C'est pas moi, moi je planquais mes sardines. Qui a plaqué sa petite gosse de l'usine? C'est pas moi, moi je draguais Ludivine. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Qui a changé 10 fois de pseudonyme? C'est pas moi, moi je nageais dans le jean. Qui a touché aux boules de naphtaline? C'est pas moi, moi je couchais dans les rimes. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Qui a voulu sa gueule dans les magazines? C'est pas moi, moi je suis pas dans mon spleen. Qui a voulu des tas de mots caféine? C'est pas moi, moi je buvais de l'aspirine. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Et qui a écrit une chanson barjo? C'est pas moi, moi je suis trop timide. Et qui a porté des milliers de cajots? C'est bien moi, mais j'ai la tête vide. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au Yeti que t'as dans le dos. Chapeau Charlie, Charlie chapeau, mais gare au cigare qui vient, qui dit go.